Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. Je serai toujours là. Vous avez reconnu la phrase qui conclut les adieux d'E.T. dans le film de Steven Spielberg. Retour en 1902. La première rencontre cinématographique entre des hommes et des extraterrestres, c'est dans Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès. Un film d'une dizaine de minutes qui rend réaliste un vieux rêve humain, déjà imaginé par Cyrano de Bergerac. Pas celui de Rostand, non, l'écrivain du XVIIe siècle. Méliès est d'abord un illusionniste, un prestidigitateur, propriétaire et directeur du théâtre Houdin, qui fut créé 40 ans plus tôt par le célèbre magicien. Il assiste à l'une des premières séances des Frères Lumière en 1895. Mais les Lumières ne veulent pas céder leur brevet et lui auraient dit « Le cinéma n'a aucun avenir commercial ». Qu'à cela ne tienne, Méliès, lui, en professionnel du spectacle populaire, est d'un avis contraire. Il se procure un appareil anglais et commence, en 1896, à tourner des films. Le premier, L'escamotage d'une dame au théâtre Houdin, est directement inspiré de son métier. Dès ce premier film, il utilise le trucage et le montage. Entre deux prises de vue, la caméra est arrêtée, on fait disparaître la dame, et plus tard, un second arrêt permettra de faire apparaître à sa place un squelette. D'un coup, Méliès propulse le cinéma dans un monde irréel, artificiel, surnaturel, destiné à étonner, fasciner ou émouvoir le spectateur. C'est un succès. Au début, quand j'ai vu son appareil, n'est-ce pas, projeter des photographies immobiles en commençant, comme nous en faisions chez nous dans nos projections habituelles, j'ai dit comment on me dérange pour voir des projections, il y a près de 20 ans que j'en fais, ça n'a rien d'extraordinaire. Il avait fait exprès de laisser son image immobile pendant quelque temps. Quand tout à coup, je vis dans la sortie des ateliers Lumière, les personnages se mettent en mouvement, venir vers nous. Quelques minutes après, un train s'est lancé et prêt à traverser la toile, se précipiter dans l'auditoire. Nous étions tous, je dois le dire, absolument stupéfaits, vous comprenez bien. Et vous avez jamais vu penser à votre public. Oh, mais pensez donc, immédiatement, j'ai dit, voilà mon affaire, un truc extraordinaire. Jusqu'en 1912, il produit, estime-t-on, plus de 600 films, d'une minute à plus d'une demi-heure. Il intègre tous ces trucs dans une action dramatique, assez simple et proche du théâtre de foire. Et il le fait avec virtuosité. Il multiplie 6 ou 7 fois sa tête sur la même image, transforme d'un coup de sabre une grosse dame en 2 jolies jumelles, ou fait apparaître monstres, cauchemars ou jeunes femmes légèrement vêtues. Il crée des fantaisies illusionnistes, comme l'homme à la tête en caoutchouc qui gonfle et gonfle à en éclater, de nombreuses bandes féeriques ou fantastiques, ou fées, diablotins, monstres et spectres s'en donnent à cœur joie. Puis des adaptations de littérature populaire, Le Juif errant, Les aventures du baron de Munchausen, 20 000 lieues sous les mers, Tartarin de Tarascon. Et dans son studio de Montreuil, le premier créé en France, il tourne même des films d'actualité. L'explosion du cuirassé Maine vers 1898, dans la rade de La Havane, à l'origine de la guerre américano-cubaine, lui permet de montrer des scaphandriers entrant dans la coque du bateau au fond de la mer. En 1899, au moment du second procès du capitaine Dreyfus, il propose une série de 11 films d'une minute pour sensibiliser le public français à l'injustice. Alors, Méliès, créateur du film fantastique ou d'anticipation, ou un homme de spectacle forain? En tout cas, une grande postérité. Son utilisation habile de trucage simple, sa fantaisie et son émerveillement trouvent un écho dans les films de Jean Cocteau, Orphée, La Belle et la Bête, comme dans La Cité des Enfants Perdus de Caro et Jeunet. Les premiers maîtres du cinéma hollywoodien, Griffith ou Chaplin, l'admiraient, et Hugo Cabret, le film de Martin Scorsese, est inspiré de la vie de Georges Méliès, qui, lui, finit modestement sa vie en 1938 en vendant des bonbons, gare Montparnasse. Trucage optique, image numérique, Méliès a ouvert la voie d'un cinéma de rêve et d'imagination.